Je vous présente un garçon qui est la transition parfaite entre la guerre et l'horreur. Guillaume Auguiz. C'est l'amour. C'est l'amour. Bonjour les amis. Alors je vais vous parler d'un sujet d'une futilité qui fait vraiment peur aujourd'hui. Je suis un peu désolé parce que j'aime beaucoup nos invités en plus. Je suis assez fan. C'est pas moi qu'il faut blâmer, c'est Jean-Baptiste Bussière, notre rédacteur en chef sourd, muet et aveugle et autodidacte, ce qui explique d'ailleurs pas mal de choix éditoriaux dans cette émission, sans vouloir à tout prix stigmatiser Fétigriste. J'ai dit à Jean-Baptiste, le billet de midi 20, c'est quoi au juste? C'est juste la recette traditionnelle de France Inter. Je prends un sujet de société, j'essaie d'en faire une chronique de gauche, si possible marrante, mais avant tout de gauche, où je prône éventuellement des valeurs de vivre ensemble et de sexe en glyphosate. Il m'a dit non, pas du tout. Midi 20, c'est la chronique de Morin, surtout pas de gauche. Non. Il est apolitique, Morin, comme Gilbert Collard sur RMC et Laurent Gérard, des gens apolitiques. Non, son midi 20, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Hein. Tu prends n'importe quelle info dont tout le monde se fout, t'appliques sa règle de 3, BMBH, donc blague raciste, blague misogyne, blague homophobe, toujours dans le même ordre, éventuellement. Tu prends un accent si tu sens la force et c'est réglé. Regarde Sigrist, il l'a fait hier, par exemple, il nous a baragouiné un truc écrit au rhum arrangé, c'était quasi du morin, vraiment. Non, là, je lui dis, je dois tout faire comme Daniel, je veux dire, ou je peux quand même venir propre. Oui. Et là, Jean-Baptiste m'a dit à ta guise, Guillermo, et puis il a mis un rire à cause du jeu de mots guise, Guillermo, et il est parti content vers sa vie de peu. Donc voilà. Donc voilà, en professionnel que je suis, j'ai pris ce midi 20 à cœur et je vous ai trouvé une info à la Morin. Ah ouais. Ça n'a pas changé vos vies, je vous préviens. Comme le disait souvent le Pygmalion d'Ariane Ascaride, j'ai nommé Jacques Chirac, ça a de grandes chances de vous en toucher une sans déranger le sommeil de l'autre. Mais j'y vais. Bon, ben le doc alias Christian Spitz de son pseudo, c'est Kid Fun Radio. Non. Alors on se rappelle tous de Love in Fun du duo Doc et Diffoul, vous vous rappelez? Qu'on écoutait tous adolescents le soir cachés sous les draps durcis par la vieille semence. C'est le midi 20. C'est contractuel. Bon, alors, Diffoul, il est parti sur Skyrock depuis un bail, mais le doc, lui, il est revenu dans l'émission il y a 5 ans. Le doc est revenu dans l'émission pour toujours plus expliquer aux jeunes en recherche qu'une cave, finalement, c'est avant tout pour entreposer ce qu'on n'a pas la place d'entreposer dans son appartement. Pas vrai, Père Albert? C'est juste. On est bien d'accord, voilà. Si on veut absolument faire l'amour à 27, il y a des établissements spécialement conçus pour ça. Ça ne sert à rien de souiller sa caisse à outils, sa boîte à médailles et son vieux vélo, qui souffre déjà du phénomène de poussière. Bref, c'est vrai. Le doc il s'en va parce que d'après lui, l'animateur principal de l'émission manquerait de respect à ses auditeurs. Vraiment. Donc, et ce qui a d'ailleurs bien fait rire Jean-Baptiste, notre rédacteur en chef, qui est aussi, je le rappelle, président de l'association française des esclaves non sexuels de Nagui, et qui me disait, si un animateur doit être jugé à la manière dont il respecte ses auditeurs, ça fait un moment que mon maître aurait quitté l'antenne. De toute façon, l'auditeur n'aime pas ça qu'on le respecte. D'ailleurs, c'est pour ça que pour remplacer Nagui, j'ai décidé de mettre quelqu'un d'inculte, de violent et d'alcoolique à côté de Daniel Morin. D'accord. Pour le coup, je rejoins Jean-Baptiste. En attendant, le doc a déclaré qu'il était prêt à rebondir sur une autre radio. Et moi, j'ai bien une idée pour son rebondissement. Vous ne trouvez pas qu'il manque un petit peu la médecin dans cette émission? Regardez Nagui qui régulièrement se retrouve aux urgences pour une ch'touille à complications. Tout ça parce que monsieur fornique avec 2, 3, parfois 4 membres du public. Alors bien au moins avec le doc, il se serait protégé. En attendant, ce gros transfert du mercato, on l'attend avec plaisir. Et on vous souhaite une bonne journée, amis. À bientôt. Merci. La bande originale sur France Inter.